Chapitre 12e, Triple Feu. L'Inde partage avec certains territoires du Brésil, celui de Rio de Janeiro entre autres, le privilège d'être de tous les pays du globe le plus troublé par les orages. Si, en France, en Angleterre, en Allemagne, dans cette partie moyenne de l'Europe, on n'estime pas plus de 20 par an le nombre des jours où les éclats du tonnerre se font entendre, il convient de savoir que, dans la péninsule indienne, ce nombre s'élève annuellement au-delà de 50. Voilà pour la météorologie générale. Dans ce cas particulier, en raison des circonstances dans lesquelles il se produisait, nous devions attendre un orage d'une violence extrême. Dès que nous fûmes rentrés à Steamhouse, je consultai le baromètre. Une baisse de 2 pouces s'était subitement faite dans la colonne mercurielle, de 29 à 27 pouces. Je fis observer au colonel Munro. « Je suis inquiet de l'absence du capitaine Hood et de ses compagnons, » répondit-il. « L'orage est imminent. » La nuit vient, les ténèbres s'accroissent. Des chasseurs s'éloignent toujours plus qu'ils ne le promettent, et même plus qu'ils ne le veulent. Comment retrouveront-ils leur chemin dans cette profonde obscurité ? Les enragés, dit Banks. Il était impossible de leur faire entendre raison. Très certainement, ils auraient mieux fait de ne pas partir. Sans doute, Banks, mais ils sont partis, répondit le colonel Munro. Il faut tout faire pour qu'ils reviennent. N'y a-t-il pas un moyen de signaler l'endroit où nous sommes ? Demandai-je à l'ingénieur. « Si, » répondit Banks, « en allumant nos fanaux électriques, qui sont d'une grande puissance éclairante et se voient de très loin, je vais établir le courant. »« Excellente idée, Banks. »« Voulez-vous que j'aille à la recherche du capitaine Hood ?» demanda le sergent. « Non, mon vieux Neil, » répondit le colonel Munro. « Tu ne le retrouverais pas et tu t'égarerais à ton tour. » Banks se mit en mesure d'utiliser les feux dont il disposait. Les éléments de la pile furent mis en activité, le courant établi, et bientôt les deux yeux du géant d'acier, comme deux phares électriques, projetaient leur faisceau lumineux à travers le sombre dessous des banians. Il est certain que dans cette nuit obscure, la portée de ces feux devait être très considérable et pouvait guider nos chasseurs. En ce moment, une sorte d'ouragan, d'une violence extrême, se déchaîna. Il déchira la cime des arbres, obliqua vers le sol et siffla à travers les colonnettes des banians, comme s'il eût traversé les tuyaux sonores d'un buffet d'orgue. Ce fut subi. Une grêle de branches mortes, une averse de feuilles arrachées, cribla la route. Les toitures de Steamhouse résonnèrent lamentablement sous cette projection qui produisait un roulement continu. Il fallut nous mettre à l'abri dans le salon et fermer toutes les fenêtres. La pluie ne tombait pas encore. « C'est une espèce de tofon, » dit Banks. Les hindous donnent ce nom aux ouragans impétueux et soudains qui dévastent plus particulièrement les régions montagneuses et sont fort redoutés dans le pays. Store, cria Banks au mécanicien, as-tu soigneusement clos les embrasures de la tourelle? Oui, monsieur Banks, répondit le mécanicien, il n'y a rien à craindre de ce côté. Où est Calhoun? Il finit d'arrimer le combustible dans le tendeur. Demain, répondit l'ingénieur, nous n'aurons plus que la peine de ramasser le bois. Le vent se fait bûcheron, et il nous épargne de la besogne. Maintiens ta pression, Store, et reviens te mettre à l'abri. « À l'instant, monsieur. »« Tes bâches sont pleines, Calhoun ?» demanda Banks. « Oui, monsieur Banks, » répondit le chauffeur. « La réserve d'eau est maintenant complète. »« Bien, rentre, rentre !» Le mécanicien et le chauffeur eurent bientôt pris place dans la seconde voiture. Les éclairs étaient fréquents alors, et l'explosion des nuées électriques faisait entendre un roulement sourd. Le tofon n'avait pas rafraîchi l'atmosphère. C'était un vent torride, un souffle embrasé, qui brûlait comme s'il fût sorti de la gueule d'un four. Sir Edward Munro, Banks, McNeil et moi, nous ne quittions le salon que pour aller sous la véranda. En regardant la haute ramure des banians, on la voyait se dessiner comme une fine guipure noire sur le fond innaissant du ciel. Pas d'éclair qui ne fût suivi, à quelques secondes près, des éclats du tonnerre. Un écho n'avait pas le temps de s'éteindre qu'un nouveau coup de foudre était répercuté par lui. Aussi, une basse profonde se déroulait-elle sans discontinuer, pendant que sur cette basse se détachaient ces détonations sèches que Lucrèce a si justement comparées à l'aigre cri du papier qui se déchire. « Comment l'orage ne les a-t-il pas ramenés encore ?» disait le colonel Munro. « Peut-être, » répondit le sergent. « Le capitaine Hood et ses compagnons auront-ils trouvé un abri dans la forêt, dans le creux de quelque arbre ou de quelque rocher, et ne nous rejoindront-ils que demain matin ? Le campement sera toujours là pour les recevoir. » Banks secoua la tête d'un homme qui n'est pas rassuré. Il ne semblait pas partager l'avis de McNeil. En ce moment, il était près de 9 heures, la pluie commença à tomber avec une violence extrême. Elle était mélangée d'énormes grêlons qui nous lapidaient et crépitaient sur la toiture sonore du Steam House. C'était comme un roulement sec de tambour. Il eût été impossible de s'entendre parler, quand bien même les éclats du tonnerre n'auraient pas rempli l'espace. Les feuilles des banyans, hachées par cette grêle, tourbillonnaient de toutes parts. Banks, ne pouvant se faire entendre au milieu de cet assourdissant tumulte, tendit alors le bras et nous montra les grêlons qui frappaient les flancs du géant d'acier. C'était à ne pas le croire. Tout scintillait au contact de ces corps durs. On eût dit que ce qui tombait des nuages était de véritables gouttes d'un métal en fusion qui, en choquant la tôle, renvoyait un jet lumineux. Ce phénomène indiquait à quel point l'atmosphère était saturée d'électricité. La matière fulminante la traversait incessamment au point que tout l'espace semblait être en feu. Banks, d'un geste, nous fit rentrer dans le salon et ferma la porte qui s'ouvrait sur la véranda. Il y avait certainement danger à s'exposer, en plein air, au choc des effluences électriques. Nous nous trouvions à l'intérieur, dans une obscurité que rendait plus complète la fulguration du dehors. Quel fut notre étonnement lorsque nous vîmes que notre salive elle-même était lumineuse. Il fallait que nous fussions imprégnés du fluide ambiant à un point extraordinaire. Nous crachions du feu, pour employer l'expression qui a servi à caractériser ce phénomène, rarement observé, toujours effrayant. En vérité, au milieu de ces déflagrations continues, feu en dedans, feu au dehors, le fracas de ces roulements accentués par de grands éclats de foudre, le cœur le plus ferme ne pouvait s'empêcher de battre plus rapidement. « Et eux ?» dit le colonel Munro. « Eux, oui, eux, » répondit Banks. C'était horriblement inquiétant. Nous ne pouvions rien faire pour venir en aide au capitaine Hood et à ses compagnons, très sérieusement menacés. En effet, s'ils avaient trouvé quelque abri, ce ne pouvait être que sous les arbres, et l'on sait dans ces conditions quel danger on court pendant les orages. Au milieu de cette forêt si dense, comment aurait-il pu se déplacer à 5 ou 6 mètres de la verticale qui passe par l'extrémité des plus longues branches, ainsi que cela est recommandé aux personnes qui se trouvent surprises dans le voisinage des arbres. Toutes ces réflexions me venaient à l'esprit lorsqu'un coup de tonnerre, plus sec que les autres, éclata soudain. Un intervalle d'une demi-seconde à peine l'avait séparé de l'éclair. Steam House en trembla et fut comme soulevé sur ses ressorts. Je crus que le train allait être culbuté. En même temps, une odeur forte emplit l'espace, odeur pénétrante et des vapeurs nitreuses, et très certainement l'eau de pluie, recueillie pendant cette tourmente, eut contenu une grande quantité d'acide nitrique. « La foudre est tombée, » dit McNeil. « Store, Kalout, par hasard !» cria Banks. Les trois hommes accoururent dans le salon. Par bonheur, aucun n'avait été frappé. L'ingénieur repoussa alors la porte de la véranda et s'avança sur le balcon. « Là, voyez !» Un énorme banyan venait d'être foudroyé à 10 pas, à la gauche de la route. Sous l'incessante lueur électrique, on y voyait alors comme en plein jour. L'immense tronc, que ses rejetons ne pouvaient plus soutenir, était tombé en travers sur les arbres voisins. Il était nettement décortiqué dans toute sa longueur, et une longue lanière d'écorce, que la rafale agitait comme un serpent, se tordait en cinglant l'air. Il fallait que la décortication se fût opérée de bas en haut, sous l'action d'un coup de foudre ascendant d'une extrême violence. « Un peu plus, Steam House était foudroyé, » dit l'ingénieur. « Restons, cependant, c'est encore un abri plus sûr que celui des arbres. »« Restons, » répondit le colonel Munro. En ce moment, des cris se firent entendre. Était-ce nos compagnons qui revenaient enfin ?« C'est la voix de par hasard, » dit Store. En effet, le cuisinier, qui était sous la dernière véranda, nous appelait à grands cris. Nous allâmes aussitôt le rejoindre. À moins de 100 mètres, en arrière et sur la droite du campement, la forêt de banyans était embrasée. Les plus hautes cimes des arbres disparaissaient déjà dans un rideau de flammes. L'incendie se développait avec une incroyable intensité et se dirigeait sur Steam House plus rapidement qu'on aurait pu le croire. Le danger était imminent. Une longue sécheresse, l'élévation de la température pendant les 3 mois de la saison chaude, avait desséché arbres, arbustes, herbes. L'embrasement s'alimentait de tout ce combustible extrêmement inflammable. Ainsi que cela arrive fréquemment aux Indes, la forêt tout entière menaçait d'être dévorée. En effet, on voyait le feu étendre son cercle d'embrasement et gagner de proche en proche. S'il atteignait le lieu du campement, en quelques minutes, les deux chars seraient détruits, car leurs minces panneaux ne pouvaient les défendre du feu, comme font les épaisses parois de tôle d'un coffre-fort. Nous restions silencieux devant ce danger. Le colonel Munro se croisait les bras, puis « Banks, » dit-il simplement, « c'est à toi de nous tirer de là. »« Oui, Munro, » répondit l'ingénieur. « Et puisque nous n'avons aucun moyen d'éteindre cet incendie, il faut le fuir. »« À pied ?» m'écriai-je. « Non, avec notre train. Et le capitaine Hod et ses compagnons ?» dit McNeil. « Nous ne pouvons rien pour eux. S'ils ne sont pas de retour avant notre départ, nous partirons quand même. »« Il ne faut pas les abandonner, » dit le colonel. « Munro, » répondit Banks. « Lorsque le train sera en sûreté, hors des atteintes du feu, nous reviendrons et nous battrons la forêt, jusqu'à ce que nous les ayons retrouvés. » « Fais donc, Banks, » répondit le colonel Munro, qui dut se rendre à l'avis de l'ingénieur, en réalité le seul à suivre. « Store, » dit Banks, « à ta machine, caloute à ta chaudière, et pousse les feux. Quelle pression au manomètre ?»« 2 atmosphères, » répondit le mécanicien. « Il faut que dans 10 minutes, nous en ayons 4. Allez, mes amis, allez !» Le mécanicien et le chauffeur ne perdirent pas un instant. Bientôt, des torrents de fumée noire jaillirent de la trompe de l'éléphant et se mêlèrent aux torrents de pluie que le géant semblait braver. Aux éclairs qui embrasaient l'espace, ils répondaient par des tourbillons d'étincelles. Un jet de vapeur sifflait dans la cheminée, et le tirage artificiel activait la combustion du bois que Caloute entassait dans son fourneau. Sir Edward Munro, Banks et moi, nous étions restés sous la véranda d'arrière, observant les progrès de l'incendie à travers la forêt. Ils étaient rapides et effrayants. Les grands arbres s'effondraient dans cet immense foyer. Les branches crépitaient comme des coups de revolver. Les lianes se tordaient d'un tronc à l'autre. Le feu se communiquait presque immédiatement à des foyers nouveaux. En 5 minutes, l'embrasement avait gagné 50 mètres en avant, et les flammes, échevelées, on pourrait dire bâillonnées par la rafale, s'élevaient à une telle hauteur que les éclairs les sillonnaient en tous sens. « Il faut que dans 5 minutes nous ayons quitté la place, » dit Banks, « ou tout prendra feu. »« Il va vite, cet incendie, » répondis-je. « Nous irons plus vite que lui. » « Si Hod était là, si ses compagnons étaient de retour, » dit Sir Edward Munro. « Des coups de sifflet, des coups de sifflet !» s'écria Banks. « Ils les entendront peut-être. » Et se précipitant vers la tourelle, il fit aussitôt retentir l'air de son aigu qui tranchait sur les roulements profonds de la foudre et devait porter loin. On peut se figurer cette situation, on ne saurait la dépeindre. D'une part, nécessité de fuir au plus vite, de l'autre, obligation d'attendre ceux qui n'étaient pas de retour. Banks était revenu sur la véranda de l'arrière. La lisière de l'incendie se développait maintenant à moins de 50 pieds de Steam House. Une insoutenable chaleur se propageait et l'air brûlant deviendrait bientôt irrespirable. De nombreuses flammèches tombaient déjà jusque sur notre train. Très heureusement, les torrentielles averses le protégeaient dans une certaine mesure, mais elles ne pourraient évidemment pas le défendre de l'attaque directe du feu. La machine lançait toujours ses sifflets stridents. Ni Hod, ni Fox, ni Gumi ne reparaissaient. En ce moment, le mécanicien rejoignit Banks. « Nous sommes en pression, » dit-il. « Eh bien, en route, Store, » répondit Banks, « mais pas trop vite. Ce qu'il faut seulement pour nous tenir hors de portée de l'incendie. Attends, Banks, attends, » dit le colonel Munro, qui ne pouvait se décider à quitter le campement. « Encore 3 minutes, Munro, » répondit froidement Banks, « mais pas davantage. Dans 3 minutes, l'arrière du train commencera à prendre feu. » 2 minutes s'écoulèrent. Il était maintenant impossible de rester sous la véranda. La main même ne pouvait se poser sur les tôles brûlantes qui commençaient à se gondoler. Demeurer quelques instants de plus, c'était de la dernière imprudence. « En route, Store !»« Ah !» s'écria le sergent. « Eux ?» dis-je. Le capitaine Hod et Fox apparaissaient sur la droite de la route. Ils portaient dans leurs bras Gumi comme un corps inerte et ils arrivèrent au marchepied de l'arrière. « Mort ?» s'écria Banks. « Non !» frappé de la foudre, qui a brisé son fusil dans sa main, répondit le capitaine Hod, et paralysé seulement de la jambe gauche. « Dieu soit loué !» dit le colonel Munro. « Merci, Banks !» ajouta le capitaine. « Sans vos coups de sifflet, nous n'aurions pu retrouver le campement. »« En route !» s'écria Banks, « en route !» Hod et Fox s'étaient jetés dans le train, et Gumi, qui n'avait pas perdu l'usage de ses sens, fut déposé dans sa cabine. « Quelle pression avons-nous ? » demanda Banks. qui venait de rejoindre le mécanicien. « Près de 5 atmosphères, » répondit Storr. « En route, » répéta Banks. Il était 10h30. Banks et Storr allèrent se placer dans la tourelle. Le régulateur fut ouvert. La vapeur se précipita dans les cylindres. Les premiers hennissements se firent entendre et le train s'avança à petite vitesse au milieu de cette triple intensité de lumière produite par l'incendie de la forêt, les feux électriques des fanaux, les fulgurations du ciel. En quelques mots, le capitaine Hood nous raconta ce qui s'était passé pendant son excursion. Ses compagnons et lui n'avaient rencontré aucune trace d'animaux. Avec l'orage qui montait, l'obscurité se fit plus rapidement et surtout plus profondément qu'ils ne le pensaient. Ils furent donc surpris par le premier coup de tonnerre, lorsqu'ils se trouvaient déjà à plus de 3 000 du campement. Alors ils voulurent revenir sur leurs pas, mais quoi qu'ils fissent pour s'orienter, ils ne tardèrent pas à se perdre au milieu de ces groupes de bagnants qui se ressemblent et sans qu'aucun sentier leur indiquât la direction à suivre. L'orage éclata bientôt avec une extrême violence. À ce moment, tous trois se trouvaient hors de portée des feux électriques. Ils ne purent donc se diriger en droite ligne vers Steam House. La grêle et la pluie tombaient à torrents. D'abri, point, si ce n'est l'insuffisant dôme des arbres qui ne tarda pas à être criblé. Soudain, un coup de tonnerre éclata dans un éclair intense. Gumi tomba foudroyé près du capitaine Hood, au pied de Fox. Du fusil qu'il tenait à la main, il ne restait plus que la crosse. Canon, batterie, sous-garde, il avait été instantanément dépouillé de tout ce qui était métal. Ses compagnons le crurent mort. Il n'en était rien, heureusement, mais sa jambe gauche, bien qu'elle n'eût pas été directement atteinte par le fluide, était paralysée. Impossible au pauvre Gumi de faire un pas. Il fallut donc le porter. En vain, demanda-t-il qu'on le laissât, quitte à venir le reprendre plus tard. Ses compagnons n'y voulurent pas consentir, et l'un le tenant par les épaules, l'autre par les pieds, ils s'aventurèrent tant bien que mal au milieu de l'obscure forêt. Pendant 2 heures, Hood et Fox errèrent au hasard, hésitant, s'arrêtant, reprenant leur marche, sans aucun point de repère qui pût leur indiquer la direction de Steam House. Heureusement, enfin les coups de sifflet, plus perceptibles que n'eussent été des coups de fusil au milieu de ce fracas des éléments, retentirent dans la rafale. C'était la voix du géant d'acier. Un quart d'heure après, tous trois arrivaient au moment où le lieu de halte allait être abandonné. Il n'était que temps. Cependant, si le train courait sur la route large et unie de la forêt, l'incendie marchait aussi vite que lui. Ce qui rendait le danger plus menaçant, c'est que le vent avait varié, ainsi qu'il fait fréquemment pendant ces météores troublant des orages. Au lieu de souffler de flanc, il soufflait maintenant de l'arrière, et par sa violence activait tout cet embrasement, comme un ventilateur qui sature un foyer d'oxygène. Le feu gagnait visiblement. Les branches en ignition, les flammes ardentes pleuvaient au milieu d'un nuage de cendres chaudes, soulevées du sol, comme si quelque cratère eût vomi dans l'espace des matières éruptives. Et véritablement, on ne pouvait mieux comparer cet incendie qu'à la marge d'un fleuve de lave, se déroulant à travers la campagne et dévorant tout sur son passage. Banks vit cela. Il ne l'eût pas vu qu'il l'aurait senti au souffle torréfiant qui passait dans l'atmosphère. La marche fut donc hâtée, bien qu'il y eût quelques dangers à le faire sur ce chemin inconnu. Mais la route, alors envahie par les eaux du ciel, était si profondément ravinée que la machine ne put être poussée autant que l'ingénieur l'aurait voulu. Vers 11h30, nouvel éclat de tonnerre qui fut terrible, nouveau coup de foudre. Un cri nous échappa. Nous crûmes que Banks et Storr avaient été foudroyés tous deux dans la tourelle d'où ils dirigeaient la marche du train. Ce malheur nous avait été épargné. C'était notre éléphant qui venait d'être frappé par la décharge électrique à la pointe de l'une de ses longues oreilles pendantes. Il n'en était résulté, heureusement, aucun dommage pour la machine. Il sembla que le géant d'acier voulut répondre au coup de l'orage par ses hennissements plus précipités. « Hurrah ! » cria le capitaine Hood. « Hurrah ! Un éléphant d'os et de chair serait tombé sur le cou. Toi, tu braves la foudre, et rien ne peut t'arrêter. Hurrah ! Géant d'acier, hurrah ! » Pendant une demi-heure encore, le train maintint sa distance. Dans la crainte de heurter trop violemment quelque obstacle, Banks ne le lançait qu'à la vitesse nécessaire pour ne pas être atteint par le feu. De la véranda, où le colonel Munro, Hood et moi, avions pris place, nous voyions passer de grandes ombres qui bondissaient dans les projections lumineuses de l'incendie et des éclairs. C'étaient enfin des fauves. Par précaution, le capitaine Hood saisit son fusil, car il était possible que ces bêtes effarées voulussent se jeter sur le train pour y chercher un abri ou un refuge. Et en effet, un énorme tigre le tenta. Mais, en s'élançant d'un bond prodigieux, il fut pris par le cou entre deux rejetons de banyan. L'arbre principal, se courbant alors sous la tempête, tendit ses rejetons comme deux immenses cordes qui étranglèrent l'animal. « Pauvre bête !» dit Fox. « Ces fauves-là, » répondit le capitaine Hood indigné, « c'est fait pour être tué par une honnête balle de carabine, oui, pauvre bête !» Vraiment, c'était bien là sa mauvaise chance au capitaine Hood. Lorsqu'il cherchait des tigres, il n'en voyait pas. Et lorsqu'il ne les cherchait plus, il lui passait au vol sans qu'il pût les tirer, où il s'étranglait comme une souris dans les fils d'une souricière. À 1 heure du matin, le danger, si grand qu'il eût été jusque-là, redoubla encore. Sous l'influence de ces vents affolés, qui sautaient à tous les points du compas, l'incendie avait gagné l'avant de la route et maintenant nous étions absolument cernés. Cependant, l'orage avait beaucoup diminué de violence, ainsi que cela arrive presque invariablement. Lorsque ces météores passent au-dessus d'une forêt, dont les arbres s'outirent et épuisent peu à peu la matière électrique. Mais si les éclairs étaient plus rares, les coups de tonnerre plus espacés, si la pluie tombait avec moins de force, le vent courait toujours à la surface du sol avec une incroyable fureur. Coûte que coûte, il fallut presser la marche du train, au risque de le heurter contre un obstacle ou de le précipiter dans quelque large fondrière. Ce que fit Banks, mais il le fit avec un sang-froid étonnant, les yeux collés au verre lenticulaire de la tourelle, la main sur le régulateur qu'elle ne quittait plus. La route semblait encore être à demi ouverte entre deux haies de feu, donc nécessité de passer entre ces deux haies. Banks s'y lança résolument avec une vitesse de 6 à 7 milles à l'heure. Je crus que nous y resterions, surtout lorsqu'il fallut franchir un endroit très restreint de la fournaise pendant un espace de 50 mètres. Les roues du train crièrent sur les charbons ardents qui jonchaient le sol, et une atmosphère brûlante l'enveloppa tout entier. Nous avions passé. Enfin, à 2 heures du matin, l'extrême lisière du bois apparut dans la lueur des rares éclairs. Derrière nous se développait un vaste panorama de flammes. L'incendie ne devait s'éteindre qu'après avoir dévoré jusqu'au dernier banyan de l'immense forêt. Au jour, le train s'arrêta enfin. L'orage s'était entièrement dissipé et l'on disposa un campement provisoire. Notre éléphant, qui fut visité avec soin, avait la pointe de l'oreille droite percée de plusieurs trous dont les rebarbes s'infléchissaient en direction inverse. Certes, sous un tel coup de foudre, tout autre animal qu'un animal d'acier fut tombé pour ne plus se relever, et l'incendie eut rapidement dévoré le train en détresse. À 6 heures du matin, après un repos très sommaire, la route était reprise, et à midi, nous venions camper aux environs de Rewa.